Chapitre 18e, la part du volcan. Prisonnier. Ce mot frappa comme une balle Jean et le marquis, aussi bien que le tenace milliardaire. Eux, prisonniers, c'était Suzanne à livrer, sans défense, au démon jaune. C'était la réalisation du plan de l'infernal Kasuga. Un même accès de rage et de désespoir faillit les jeter sur l'officier qui venait de prononcer cet arrêt inique. Mais Mr. Big s'interposa et, profitant de leur stupeur, s'avança vers le commandant du croiseur. « Je voudrais vous parler en particulier, » dit-il flegmatiquement. « Je suis citoyen américain. » Les marins avaient rapidement encadré Jean d'Entrevaux, James Sandy, le marquis de Glandève et jusqu'au filleul Guilledou, rendant impossible toute velléité de résistance. L'officier s'en assura d'un coup d'œil. « Soit, » acquiesça-t-il, et l'emmena Mr. Big dans sa cabine. Une heure plus tard, il le ramenait à ses compagnons. « Vous êtes libre, » leur annonça-t-il simplement. « Je mets une automobile à votre disposition. Bonne chance. » Stupéfaits par ce revirement inouï, les trois hommes voulaient interroger. Mais l'ingénieur y mit bon ordre. « Pas de paroles inutiles, » intima-t-il. « Aujourd'hui, le temps vaut plus que de l'argent. Venez. » Méthodiquement, il répartit sur les banquettes de l'auto, dont il prit lui-même le volant. « Où allons-nous ? » supplia Jean, incapable de se résigner au silence. « À la poursuite du jaune, » répondit Mr. Big, en lançant l'auto à une allure folle. « Prenez cette boussole et cette carte, jeune homme. Notre route y est marquée. Nous marchons est car nord-est. Veillez à la direction. »« Mais qu'espérez-vous ? Que pourrez-vous ? Vous le verrez !» ricana l'énigmatique Yankee. Ce furent toutes les paroles qu'on parvint à lui arracher, aussi longtemps que dura cette randonnée forcenée, qui leur fit parcourir les différentes étapes accomplies par les autos de Kasuga avec une avance de près de 24 heures. Mais cette avance diminuait chaque jour, et lorsque les cinq hommes arrivèrent en vue du volcan japonais, ils l'avaient presque totalement rattrapé. Quelques minutes de la même course les amenèrent près du navire. Comme tous ceux qui se trouvaient sur le pont, Kasuga s'était approché du bordage. À la vue du groupe des nouveaux venus, il tressaillit imperceptiblement, puis ses lèvres se plissèrent, dessinant un sourire cruel. Il se rapprocha du délégué. Cependant, au bas du navire, les inconnus parlementaient et se démenaient. Il était facile d'interpréter leurs gestes et de deviner que les marins refusaient de les laisser monter à bord. Le sourire du japonais s'accentua. « L'Amérique est un pays libre, » dit-il. Mais quand elle a parlé, elle n'admet pas qu'un de ses enfants désobéisse. De la tête, gravement, le délégué approuva. « Votre gouvernement, » reprit Kasuga, « sera obligé Jim Sandy à ratifier l'acte qui va munir à sa petite fille. »« Il sera l'y obliger, » répondit le délégué. Quelle que soit la colère du vieil homme, quelles que soient ses supplications, Jim Sandy est Yankee, il ne suppliera pas, il menacera. Qu'importe. L'intérêt de tous est supérieur à l'intérêt d'un seul. Ce que le conseil a décidé et signé sera exécuté. En ce cas, il me plairait qu'il assiste à mon mariage, ainsi que mon futur beau-père et ceux qui l'accompagnent, dont je vous annonce l'arrivée. Il désigna du geste le groupe qui gesticulait au bas du croiseur. « Il n'aurait pas dû parvenir jusqu'ici, » ajouta-t-il, « mais je pense que vous saurez me faire respecter. » Les dernières paroles de Kasuga avaient fait froncer les sourcils du délégué. Il se pencha par-dessus le bordage et cria un ordre. Aussitôt, Jean d'Entrevaux, le marquis, le vieux Jim, Guilledou et Mr. Big furent chacun empoignés par deux marins qui les immobilisèrent. « C'est parfait, » ricana le japonais, qui avait suivi cette manœuvre avec une visible satisfaction. Maintenant, je puis descendre et présenter mes hommages à mon beau-père. Si vous le voulez bien, nous accomplirons en sa présence les formalités. » Le délégué acquiesça d'un signe de tête et ordonna aux officiers de faire descendre à terre Susanna, sa mère et sa grand-mère. Puis il suivit Kasuga, qui dégringolait l'échelle avec l'agilité simiesque qu'est l'apanage de sa race. À la vue du petit jaune, les yeux de Jean lancèrent des éclairs et le marquis se mordit les lèvres avec fureur. Quant à Jim Sandy, il s'efforçait de demeurer impassible, mais il était visible que si ses bras n'avaient été aussi solidement maintenus, il ne serait point demeuré inactif. Insolemment, Kasuga passa devant les trois hommes et s'arrêta pour fixer le milliardaire d'un air de bravade. « Enchanté de vous revoir, Mr. Sandy. Ne vous avais-je pas annoncé que je réussirais malgré vous ? Je suis heureux que vous arriviez à temps pour assister à mon mariage. » Il montra Susanna chancelante que deux officiers soutenaient. Jean d'Entrevaux poussa un cri de fureur auquel répondit un appel désespéré de la jeune fille. « Jean, Mon Jean, sauve-moi de ce monstre !» Mais le jeune Français se débattait en vain. Les poings solides de marin maîtrisaient sa fureur aussi aisément que deux autres contenaient celle du marquis. Et autour d'eux, autour de la malheureuse Susanna, il n'y avait que des visages de glace, figés par le respect de la discipline et des volontés du conseil des trusts. Tout à coup, une voix retentit derrière les trois hommes. C'était celle de Mr. Big. « Good morning, Dr. Kasuga. Vous allez donc épouser Miss de Glandève ?» Le Japonais fit un bond stupéfait. Il n'avait pas encore remarqué la présence de l'ingénieur. « Mr. Big ? » s'exclama-t-il. « Vous êtes donc... Vous avez pu remonter du trou ? Comme vous voyez, mon cher garçon, j'en ai tiré également ces deux braves compagnons que vous m'aviez donnés. » Il désignait Jean et Guilledou. « N'est-ce pas une joyeuse idée ? » poursuivit Mr. Big avec un sourire aimable. « Mais vous ne paraissez pas ravi. Peut-être auriez-vous préféré les voir rester au fond et moi avec ? Excusez l'indiscrétion. Je tenais à me rendre compte de l'effet de mon petit travail. Il paraît que votre Japon est en miettes. Pouah ! Je m'attendais à mieux, à beaucoup mieux. » Et Mr. Big poussa un soupir de regret. « Vous aviez prévu cela ?» hurla Kasuga touché au vif. « Naturellement. Vous figuriez-vous que je travaillais pour vous livrer un monde ? Je voulais faire sauter la boule stupide, dear boy. Et je suis navré d'en avoir détruit qu'un morceau. » Kasuga tremblait de colère. Il en oubliait son mariage, son triomphe, l'humiliation infligée à Jim Sandy. Il ne voyait plus que Mr. Big. « Vous n'aviez pas deviné cela ?» reprit l'ingénieur avec mépris. « Et vous allez épouser une Américaine. Le conseil des trusts vous accorde cet honneur. Qu'est-ce donc qu'il récompense en vous ? L'homme qui lui a donné un empire ?» riposta le Japonais d'une voix tremblante de rage. Le délégué intervint. « Le docteur Kasuga mérite d'être adopté par notre République. Nulle récompense ne serait trop considérable pour payer l'œuvre conçue et réalisée par son cerveau génial. L'Amérique, qui en profite aujourd'hui, regrette seulement, pour sa gloire future, que l'idée ne soit pas exclusivement américaine. « Ainsi, ricana Mr. Big, qui paraissait de plus en plus joyeux, ce que vous croyez devoir à cet homme, c'est l'idée et la réalisation de la percée de l'océan ? Évidemment, au Japon, nous aurions payé l'exécution. À lui, nous payons l'idée. En ce cas, réjouissez-vous. L'idée est américaine. Vous avez fait un marché de dupes. Cet imposteur vous a vendu ce qui ne lui appartenait pas. Mensonge ! » vociféra Kasuga, pâlissant soudain. Mais le délégué, d'un geste autoritaire, l'empêcha de bondir sur l'ingénieur. « Expliquez-vous » dit-il à celui-ci. « Ha ha ! » ricana Mr. Big. « Ma révélation va gêner, monsieur. Voilà pourquoi il souhaitait me savoir entraîné par les eaux et disparu à jamais. Regardez-moi bien tous. C'est moi seul, citoyen américain, qui ai conçu le plan. C'est moi qui ai imaginé de vider l'océan. Et pendant 30 années, ce Japonais maudit, à qui j'avais imprudemment confié mon projet, m'a séquestré sous terre, me laissant exécuter une œuvre dont il comptait bien s'approprier la gloire et le profit. Sans ce Français qui m'a persuadé de sortir du gouffre, qui serait revenu révéler cela ? Qui aurait dit au monde que Mr. Big a seul conçu et réalisé ce projet inouï ? J'ai travaillé et le Japonais en poche, voilà. Ce que vous voulez payer, ô mes compatriotes, est propriété américaine et vous l'achetez pourtant en livrant une fille de votre race à un diable d'Orient. » La figure de Jim Sandy s'épanouissait et s'empourprait des flammes du triomphe à mesure que verdissait la face de Kasuga. « L'Amérique ne paiera pas » cria-t-il avec explosion. « La vérité est sortie du gouffre !»« Non, l'Amérique ne paiera pas si notre honorable compatriote peut prouver la vérité de son accusation, » déclara le délégué. « Je la prouverai !» riposta Mr. Big exultant. « Ma parole ne vaut-elle pas celle d'un jaune ? Quelle autre preuve a-t-il apporté que son affirmation ? Lisez sur son visage, messieurs, l'aveu de ses mensonges y est inscrit. En effet, Kasuga, écrasé et plein de rage, surpris par cette attaque imprévue, ne parvenait pas à composer son attitude et à trouver la riposte convenable. Le délégué fit un geste, les marins lâchèrent les prisonniers. « Susanna, chère Susanna !» s'écria Jean en se précipitant vers sa fiancée. Une lueur fauve jaillit des yeux sournois du petit jaune. Il eut un mouvement félin pour se jeter sur le groupe des deux jeunes gens enlacés. Mais, menaçant, Guilledou, aux énormes poings, le marquis et Jim Sandy se dressèrent devant lui. Le Japonais recula en grondant. L'automobile qui avait amené si à propos les sauveurs de Susanna était demeurée trépidante, son moteur n'ayant pas été arrêté. Kasuga, insensiblement, s'en rapprocha, courbant le dos sous les railleries féroces de Mr. Big, qui le suivait, les bras croisés, ironique et méprisant. « Tu recules, petit homme. Tu te sens donc vaincu. Ici, la ruse ne suffit plus. Il faudrait un peu de science. La tienne osera-t-elle se mesurer avec la mienne? Tu auras donc rusé et trompé en vain? Et ton pays japonais, où est-il? Au fond du gouffre, lui aussi, comme les eaux qui se sont vengées. Ah ah! Le Japon a voulu boire l'océan? Mais l'océan a fait sauter le Japon. Et c'est Mr. Big qui a fait cela. C'est Mr. Big qui a tué le Japon. Le Japon est mort de la main de Mr. Big. » Kasuga était contre l'auto. Soudain, il se retourna et bondit comme un jaguar, enlaçant de ses deux bras l'ingénieur, qu'il souleva de terre d'un puissant effort et le jeta dans la voiture. En même temps, il sauta près de lui et mit l'auto en marche. « Tu périras comme le Japon » hurla-t-il. La scène n'avait été si rapide que nul le temps d'intervenir. Les assistants pétrifiés virent l'auto bondir et s'éloigner à une vitesse folle. Kasuga l'avait lancé droit vers la pente, au haut de laquelle déferlaient les vagues de feu. Puis il avait lâché le volant pour saisir à bras-le-corps Mr. Big relevé. Et l'autodémonte escaladait les pentes, disparaissait au milieu des tourbillons de fumée, reparaissait encore, emportant toujours les deux silhouettes furieuses, agrippées l'une à l'autre et cherchant à se terrasser. Elle devenait petite, petite, grimpante de fleuves de lave. Au sommet de la pente, au bord du gouffre, elle se dressa, et les spectateurs, glacés d'effroi, distinguèrent nettement, noir sur le fond pourpre du brasier, les silhouettes enlacées de Kasuga et de Mr. Big. Puis, l'auto bondit au milieu de la mer de flammes et y sombra. Le volcan avait englouti les vainqueurs de l'océan. Épilogue. Quelques années plus tard, le Trans-Pacific Railway l'emportait à toute vapeur, à travers les villes neuves et les campagnes fertiles du Tuscarora, des voyageurs émerveillés. À l'une des portières, deux jeunes visages, embellis par cette expression de parfait bonheur des couples assortis, échangeaient des regards et des phrases. « Là était le gouffre, Jean. Et plus loin, nous allons revoir l'endroit où je t'ai retrouvé, ma Susanna, où tu m'as sauvé, pour ma joie. » Unis, Jean et Susanna d'Entrebeau ont connu, après leur temps d'épreuves et d'émotions si vives, le bonheur calme, la joie paisible sous un azur inaltéré. Des premiers, ils ont voulu faire leur pèlerinage à travers le monde nouveau que le génie a fait surgir du fond des abîmes. Le fidèle Guilledou et la mignonne Sada les accompagnent, car ceux-là aussi ont réalisé leur rêve. Miaya, engloutie par le volcan japonais, n'y pouvait plus faire obstacle. Et c'est de l'amour, c'est de la joie qu'emporte le train à travers la vallée féerique, délivrée du linceul des eaux qui recouvrit tant de naufrages, tant d'épaves, tant de cadavres, avant de connaître la caresse du soleil. La magie de la lumière, la chanson des voix humaines, le bruit et le mouvement qui constituent la vie. Ainsi s'achève Les Buveurs d'Océan par H.J. Magog.